Bon après-midi et merci pour votre fidélité. Il est 13h15 dans les studios de la radio associative indépendante. Le journal en français de cette seconde et mi-journée du mois de septembre 2021. Au rendez-vous. Vous recevez Willy Sindayehou, la représentation de l'autre côté. Vitré, nous sommes avec Jimmy Blaise et Nison Isa. D'abord, les grandes articulations de ce journal. Spéculation sur les prix du ciment dans la province d'Ngozi et au marché de Kotebou et les clients et les commerçants des cahiers se lamentent sur les prix fixés par le ministère en charge du commerce. Et vous l'entendez dans cette édition. Et c'est jeudi, comme à l'accoutumée, la chronique sur les droits des enfants au rendez-vous. Bon après-midi encore, débutons par l'économie, le ciment, souvent dans les endroits non connus au chef-lieu de la province Ngozi. Un sac de ciment s'achète à 35 000 francs. Le maçon qui s'est entretenu avec la radio Bonécha FM et qui le dit demande des sensibilités d'intervenir pour que le prix officiel soit respecté. Edid Daiseng. Selon son maçon rencontré au chef-lieu de la province Ngozi, les commerçants du ciment ont changé de tactique dans leur spéculation, car ils déposent ce produit dans des dépôts non connus pour le vendre par après à un prix exorbitant. Quand nous allons au marché, nous voyons des camions qui sont en train d'être déchargés du ciment, mais quand nous demandons ce produit, on nous dit que tout le ciment est acheté. Si on demande de traiter mal le ciment, on te dit que le sac coûte 35 000 francs bon. C'est vraiment un grand problème. Il faut que le gouvernement inflige des amendes aux commerçants spéculateurs. C'est vraiment difficile de trouver le ciment en Ngozi. Ce maçon regrette que même les administratifs qui ont des chantiers achètent le ciment à ce prix illégal de 35 000. Ils sont au courant de ces spéculations car certains d'entre eux ont des chantiers et on ne peut pas avoir un sac de ciment à moins de 35 000 francs. Ce citoyen demande avec insistance au gouvernement de tout faire pour que les commerçants respectent les prix fixés par les instances habilitées. Merci Edjide Ndaisenga de Ngozi vers la capitale économique Bujumbura. Au marché de Kotebou, certains acheteurs des cahiers à ce marché de la commune Narangwa, mairie de Bujumbura, se lamentent que les prix fixés par l'État ne sont pas respectés. Il demande le suivi pour que ces tarifs fixés par l'État soient respectés sur tout le territoire national. Vena Nyomungé. Au marché de Kotebou, commune Narangwa, à mairie de Bujumbura, à moins de 2 semaines de la rentrée scolaire 2021-2022, le mouvement des acheteurs de matériel scolaire reste bas. C'est l'affirmation de certains vendeurs de ce matériel qui ajoutent que l'État a fixé les tarifs sans collaborer avec la Pacobu, usine de transformation de papier à Bujumbura. Quant aux acheteurs, ils se lamentent que les vendeurs de ces cahiers ne respectent pas les tarifs récemment fixés par le ministère ayant le commerce dans ses attributions et demande à l'État de veiller pour le respect de ses tarifs. À propos de tout cela, le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme lance un appel vibrant à tout commerçant de respecter ses prix et demande aux acheteurs de pointer le doigt à tout vendeur qui passe outre ses prix fixés. Selon les tarifs de l'État, un cahier de 100 feuilles s'achète à 1200 francs bou à mairie de Bujumbura et ce même cahier s'achète à 2500 francs bou à l'intérieur du pays. Merci à Vena Nyongungere et certaines des femmes de la mairie de Bujumbura se disent inquiètes de certains produits éclaircissant la peau. Elles indiquent qu'il y a parmi ces produits ceux qui sont nuisibles à la santé et demandent aux instances habilitées de rendre disponibles les produits qui n'ont pas de conséquences. Plus avec Silver Abigilman. Ces femmes de la capitale économique de Bujumbura disent être inquiètes de ces produits éclaircissant la peau qu'on achète dans certains points de vente. Ils indiquent qu'il y a parmi ces produits qui endommagent la peau. C'est vrai, ces produits que nous utilisons pour nous éclaircir la peau sont néfastes pour notre santé. Nous les trouvons partout, dans les boutiques et au marché. Cette femme affirmait qu'elle a déjà vu des autres femmes qui ce genre de produits et cause des dommages sur la peau. J'ai déjà vu les femmes qui n'ont plus la même couleur de peau. Au lieu de s'éclaircir, elles commencent à se noircir de plus. Elle fait un appel vibrant aux autres femmes de ne pas utiliser de tels produits. Je donne conseil à toutes les femmes qui utilisent les produits éclaircissants d'être fières de leur peau noire, car ces produits sont nuisibles à leur peau. Et demande également aux instances habilitées de disponibiliser des produits qui ne causent pas de conséquences sur la peau. Nous demandons à l'État de nous procurer des produits de bonne qualité qui n'ont pas de mauvaises conséquences pour notre santé. Ces produits dénoncés par ces femmes sont de marque Cocopilp, Carolite, Peau Claire et Bioclair. Le ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique informait qu'il fallait combattre tous les commissionnaires des maisons et parcelles. Gervais Ndirakobucha l'a annoncé ce mercredi devant la chambre basse de l'Assemblée nationale. Ndirakobucha précise que chaque personne doit consommer les fruits de ses œuvres médiatrices et Melsabi. Dans une séance pour répondre aux questions des députés, le ministre de l'Intérieur, Développement Communautaire et de la Sécurité Publique, le ministre de la Justice et le ministre des Infrastructures, l'élu de la province Chibitoki est revenu sur la question des commissionnaires des maisons et des parcelles. Le député Sylvain Moudouanabake trouve que ces derniers soient chassés car il entraîne la hausse des prix sur certains produits. Nous avons vu que ces derniers jours, ils ont beaucoup fourni des efforts pour chasser les commissionnaires des vaches, car ils sont les promoteurs de la hausse des prix des vaches. Nous demandons que ces décisions soient applicables aussi avec les parcelles et les propriétés, car nous avons vu que ces commissionnaires sont les premiers à fixer les prix et à donner des permissions pour acheter ou pour vendre, comme c'était des propres propriétaires de ces parcelles. Et ça a causé des disputes et des procès ici et là. Le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobucha, répond que même si ces commissionnaires travaillent en cachette, il est fort nécessaire de les chasser pour qu'ils aient l'habitude de travailler. C'est très facile pour les commissionnaires du bétail car ça se passait au marché. Nous avons aussi réussi à combattre les commissionnaires des produits de première nécessité en provenance de l'intérieur du pays. Ces derniers vendent des marchandises sur différents marchés de la capitale économique. Mais concernant les commissionnaires des propriétés, c'est toujours un défi qui s'observe car c'est difficile d'identifier que celui-ci est commissionnaire de maisons ou de parcelles. Si cela se fait discrètement, mais étant ensemble avec vous les élus, nous pouvons combattre cette activité, puisque notre objectif est que tout le monde travaille et consomme le fruit de ses œuvres. Cela est ainsi alors que son ministère a chassé les commissionnaires qui étaient dans différents marchés de bétail et des produits alimentaires et les commissionnaires qui œuvrent dans la ville de Bujumbura. Merci médiatrice. Et mais vous savez, parlant de l'économie, il s'observe une flambée des prix de pièces de rechange des véhicules. Citons l'amortisseur de voiture Probox qui s'achetait à 60 000 francs, s'achète actuellement à 70 000. Les chauffeurs et les commerçants affirment que leurs activités sont perturbées, demandant une assistance habilitée de se pencher sur cette question, plus avec Seif Iladokound. Dans la capitale économique de Bujumbura, la flambée des prix des pièces de rechange des voitures se fait parler d'elle. Plus précisément sur certains magasins situés dans la zone de Buyenzi, on nous a informé qu'un amortisseur, par exemple de voiture Probox, s'achetait à 60 000 francs, mais à présent il vaut 70 000 francs ou plus. Une tête de cardan de qualité moyenne valait à 30 000 francs bout, mais maintenant avoisine les 40 000 francs bout. Les bancs de frein s'achetaient à 25 000 francs, mais le prix a grimpé jusqu'à 35 000 francs. Il y a plusieurs autres pièces de rechange dont les prix ont remarquablement grimpé. D'après certains chauffeurs, ils se disent inquiets de cette flambée des prix, car il y a ceux qui se retrouvent incapables de faire réparer leur véhicule. Autre part, les mécaniciens affirment que cette flambée de prix incite des conflits parfois entre eux et leurs clients. Ils indiquent que parfois les propriétaires de voitures amènent leurs véhicules au garage, sachant en tête que les prix des pièces de rechange sont restés les mêmes que les mois précédents. Les petits commerçants rencontrés sur les lieux affirment que les prix ont été revus à la hausse dans tous les magasins grossistes des pièces de rechange. Ils demandent aux autorités habilitées de trouver solution à ce problème. Les commerçants grossistes de leur part affirment que les prix ont été revus à la hausse dans les pays d'approvisionnement. Merci, Seif Iradukunda, quittons la capitale économique Bujumbura vers la capitale politique Gitega, où la pénurie de carburant de type mazout se fait parler. Au centre-ville Gitega, une seule station Interpétrole vendait ce type de carburant. Les commerçants et les conducteurs d'automobiles demandent à l'État de se pencher sur cette question afin de trouver solution à ce manque de carburant après une courte pause chronique. Chronique sur les droits de l'enfant sur Bonne FM. Dans la chronique sur le droit de l'enfant de ce jeudi, nous vous parlons des élèves qui quittaient le banc de l'école pour œuvre pour un gagne-pain. Ces enfants affirmaient que les conditions de vie sont les causes de cet abandon scolaire. La Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB, précise que c'est une grande perte pour la nation et propose plutôt que la scolarisation soit obligatoire et aux parents de tout faire pour la scolarisation de leurs enfants au lieu de les pousser à abandonner l'école. Plus avec Mireille Naomi Nitegeka. Ce sont les enfants qui sont dans le tranche d'âge 14 et 16 ans qui font différents commerces ici en ville de Bujumbura pour essayer de se vivre et d'aider leur famille. Celui-ci vend des ananas et cet autre collecte des bouteilles en plastique vide afin de les revendre. Ces enfants ne cachent pas qu'ils sont en situation de la rue pour la survie. Ils confirment qu'ils ont abandonné le banc de l'école. Le premier était en quatrième année primaire et le deuxième en cinquième année primaire. Papa s'est remarié quand j'étais encore petit et je suis resté avec ma mère. Je suis l'aîné dans les ancêtres de ma mère, mais du côté de mon père, j'ai fait la deuxième naissance. Quand le matériel scolaire est disponible, mes petits frères et sœurs vont à l'école. Au cas contraire, ils abandonnent. Ce qui m'a poussé à descendre sur Bujumbura, pas m'a maltraité, il déchirait parfois mes affaires scolaires et ma maman m'a conseillé de descendre sur Bujumbura. J'ai un seul parent. J'ai manqué du matériel scolaire, d'origine de mon abandon scolaire. J'allais avancer deux classes en cinquième année. On nous a demandé 12 cahiers et j'ai pas eu la totalité. Et on m'a renvoyé de l'école. Ce que nous demandons à l'État, c'est de nous réinsérer dans nos familles respectives pour que nous puissions retourner à l'école. À la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB Banzig, dit que ce phénomène des enfants en situation de la rue est une réalité et une grande perte pour la nation. À ces enfants, je leur dirais que la seule façon de préparer leur avenir, c'est de rester à l'école. Et aux parents, c'est d'encadrer bien ces enfants et aux communautés d'appuyer les familles pauvres pour que ces enfants puissent continuer leurs écoles. Namahungiro Ferdinand, coordinateur à la FENADEB, propose que la scolarisation soit obligatoire au Burundi pour faire face à ce fléau. Merci Mireille Naomi Nitegeka. 13h28, nous voilà dans les dernières lignes de cette édition, mais avant que nous nous quittions, le rappel des grands titres. Fallait plutôt qu'il n'y ait plus de commissionnaires des maisons et parcelles, ce sont des propos du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, vous l'avez entendu dans cette édition. Spéculation sur les prix du ciment dans la province de Ngozi au marché de Cotebou et les clients et les commerçants des cahiers émettent des lamentations sur les prix fixés par le ministère en charge du commerce. Vous l'avez également entendu, l'abandon scolaire qui se remarque chez les enfants est une grande perte pour la nation. Ce sont des propos de la FENADEB. Vous l'avez aussi entendu dans la chronique sur les droits de l'enfant. À une minute de 13h30, point final à cette édition de la mi-journée. Merci pour votre fidélité. Merci à Jimmy Blaise Nizongiza qui était de l'autre côté vitré. Merci à toute la rédaction de l'RSF. Bonne FM. Le journal vous a été présenté par Willy Sindayeboura. Et un bon après-midi et bonne suite de programme.